France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La postérité accordée à Roger Blin est-elle à la hauteur de l'immense homme de théâtre, comédien et metteur en scène qu'il fut? Peut-être pas. C'est en tout cas ce que l'on ne peut s'empêcher de se dire en l'écoutant sur France Culture en 1967. Un entretien de 15 petites minutes, pas plus, mais qui nous restitue un pan d'une histoire du théâtre qu'incarnait Roger Blin, d'une incroyable richesse à laquelle sa douce et ferme parole de bègue maîtrisée donne toute sa densité. Ses débuts avec Artaud, sa participation au groupe Octobre durant le Front Populaire, son travail avec Jean-Louis Barrault, la direction du théâtre de la Gaîté-Montparnasse et bien sûr Samuel Beckett et Jean Genet, les deux auteurs qu'il révéla et fut le premier à monter. Quelques moments dans la vie de Roger Blin et du théâtre, tels qu'il les racontait à Jean Paget dans l'émission « 10 ans de création dans les lettres et les arts ». Cet fauteuil d'avant-garde, Roger Blin, diffusé la première fois le 27 janvier 1967 sur France Culture. France Culture. 10 ans de création dans les lettres et les arts. Bilan et perspective. Sept fauteuils d'avant-garde. Entretien de Roger Blin avec Jean Paget. Roger Blin, vous êtes un de nos metteurs en scène de théâtre qui travaille dans le théâtre depuis des temps très anciens, puisque vous avez commencé votre carrière dans le théâtre bien avant la guerre, dans les années 1928-1930, je crois. Et vous avez commencé à travailler avec Artaud. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses débuts au théâtre? J'étais étudiant et je suis venu au théâtre par le cinéma. Enfin, je veux dire, je me suis intéressé d'abord au cinéma. J'étais très frappé par les premiers ciné-clubs. Je me souviens de séances du cinéma d'avant-garde, Square Rap à la Tribune Libre du cinéma, et de séances où les surréalistes sont intervenus. C'est là que je les ai vus pour la première fois, que j'ai vu Artaud, j'ai vu les surréalistes en action contre certains films qu'ils n'aimaient pas. Et il y a toute une espèce de préoccupation éthique qui m'est apparue dans l'ordre artistique, grâce aux surréalistes. Et j'ai connu Prévert, je suis entré au groupe Octobre, nous donnions des représentations dans les usines, surtout au moment de juin 36. C'était un groupe de théâtre ouvrier qui était plus ou moins lié au Parti communiste, qui allait dans les fêtes, dans les goguettes, donner des représentations, monter des textes, des cœurs parlés sur des sujets d'actualité. Prévert écrivait pour le groupe Octobre des sketchs. Il y avait certains de ses poèmes qui ont été dits en cœurs parlés par nous. Et ma première apparition en public, en tant qu'acteur, pris d'une trouille insensée, était une revue qu'il avait fait pour les Bretons émancipés de Paris, qui s'appelait Suivez le druide. Mais auparavant, n'est-ce pas, j'avais rencontré Artaud, et qui, en 35, avait monté les Chenchi, m'avait pris en amitié et m'avait demandé de tenir le cahier, son cahier de régie. Il m'avait donné des crayons de couleur pour noter toutes ces indications aux acteurs, et une couleur par personnage. Et il me disait, note, écris bien tout ce que je te dis, et même ce que je ne te dis pas. Artaud avait écrit cette pièce qui était à mi-chemin de ce qu'il voulait faire. Ce qui lui importait là-dedans, avant tout, c'était une certaine direction des acteurs et aussi la partie musicale et sonore. Je crois que c'est le premier exemple au monde de stéréophonie, parce qu'il avait installé des haut-parleurs sous la coupole du théâtre dans différents coins avec un système artisanal qu'il avait travaillé avec des ormières. Et il voulait imposer un rythme inca à 7 temps. Et puis alors, dans la direction des acteurs, une stylisation, n'est-ce pas, dont nous n'avions aucune espèce d'idée. Et alors, je me trouvais être son assistant. Il avait fait passer des petites annonces pour trouver deux comédiens mimes pour jouer les assassins de Chen Shi. Il n'en trouvait pas, je ne sais pas, et il m'a dit un jour, monte sur scène, et je suis monté sur scène. Et puis j'ai fait à peu près ce qu'il voulait. Il m'a dit, mais tu es un médium. J'ai compris tout de même avec Artaud que le théâtre ne pouvait en aucun cas, le vrai théâtre ne pouvait ressembler le moins du monde aux pièces que j'avais vues, les pièces de boulevard avec des téléphones blancs et des choses comme ça. Et alors quand il m'a dit, maquille-toi, j'ai acheté un bâton de vert et un bâton de rouge. Je me suis divisé la figure en 4 parties. N'est-ce pas, en diagonale, 2 parties vertes, 2 parties rouges. Et il m'a dit, ben, très bien. Et alors, j'ai compris le théâtre. Pendant votre collaboration avec Barrault avant la guerre, vous avez joué avec lui et vous l'avez assisté, je crois, pour 2 ou 3 pièces. Quelles sont-elles ? Oh, je n'ai pas assisté, je jouais, j'étais en tant que comédien. Et il est certain que je suis un petit peu à l'origine de la fin de Hamsun. C'est un livre qui m'avait bouleversé et je pensais qu'on pouvait en tirer pour un mime un spectacle de 20 minutes. Je voyais très nettement la déambulation dans une ville hostile d'un homme pauvre et affamé. Et j'en avais parlé à Barrault qui, à ma surprise, a écrit une pièce complète et a travaillé des décors avec un maçon. Alors, vos propres débuts au théâtre en tant que metteur en scène ont eu lieu à la Gaîté Montparnasse, je crois, n'est-ce pas ? Oui, en 49. Oui, c'est-à-dire que nous avions, avec des amis, pris ce théâtre. Nous avions évidemment un tas de pièces rentrées, et dès qu'on a eu comme ça les mains libres et un peu d'argent, on s'est précipité à monter ce qui nous tenait à cœur, en premier lieu. La sonate des spectres de Strindberg, qui a eu 100 représentations et 15 spectateurs à peu près à chaque représentation. Mais parmi ces 15 spectateurs, deux fois, il est venu un homme qui s'appelait Samuel Beckett et qui m'a passé la pièce en attendant Baudot. Mes associés n'ont pas cru devoir s'y intéresser et j'ai prospecté un peu partout. Tout le monde dans Paris m'a ri au nez. Et c'est toujours dans cette période-là, au moment où vous avez créé pour la première fois Beckett, que vous avez également beaucoup travaillé et créé un autre auteur, les ouvrages d'un autre auteur qui était à ce moment-là aussi inconnu et qui s'appelle Adamov. Je connaissais Adamov avant-guerre. Déjà, c'était un personnage qui me fascinait beaucoup, peut-être me faisait un petit peu peur, mais dont j'ai pu apprécier l'amitié par la suite. Et en 52, avec Jean-Marie Serrault, nous avons présenté La Grande et la Petite Manœuvre, qui est une de ses pièces les plus réussies, qu'il renie maintenant. Et l'année suivante, j'ai présenté au Théâtre Lancry la parodie, avec des décors de Vieira da Silva. Et alors là, c'était un théâtre qui témoignait d'une personnalité extraordinaire d'homme traqué, qui se défend par l'humour. Et je sais que maintenant, Adamov renie plus ou moins ses anciennes pièces. Et La Grande et la Petite Manœuvre a été créée au Noctambule, à 6h du soir, le même jour exactement que son autre pièce, L'Invasion, avait été créée par Jean Villard au studio des Champs-Élysées. Et ces deux pièces en même temps, n'est-ce pas, le même jour, réunissaient elles deux, 40 personnes, peut-être 40 spectateurs, peut-être à 6 heures, c'est tout ce que nous avions trouvé. Mais tout de même, ça a pu faire connaître le nom de Adamov. Mais justement, à propos d'Adamov, se pose la question de savoir, Adamov renie ses premières pièces dans la mesure où maintenant il s'est dirigé vers un théâtre plus social et plus engagé. Pensez-vous justement à propos de l'avant-garde que l'avant-garde pourrait s'inscrire dans une forme de théâtre engagé? Mais il y a toujours la question de répertoire populaire ou de théâtre révolutionnaire. Et ça, c'est la question à laquelle s'était attaqué Brecht. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme théâtre qui est un engagement politique et qui ne laisse absolument pas de côté la poésie, et que tout soit mêlé, et aussi qui ne laisse pas de côté les recherches formelles, hein, qui sont elles-mêmes révolutionnaires, qui ne sont pas bourgeoises ni petites bourgeoises. Il faut une adéquation, il s'agit de trouver une adéquation véritable avec le signifié et le signifiant, et la forme, le fond, enfin... C'est la vieille question éternelle. Vous avez joué, je crois, d'abord dans le balcon de Genet, et vous avez monté Les Nègres de Genet, après. Puis Les Paravents. Okay. Alors je voudrais savoir ce que vous apporte alors ce théâtre, qui est un peu le contraire de celui de Beckett. Pas exactement le contraire, mais enfin il l'est dans la façon dont il atteint le public, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus violent et beaucoup plus agressif. Alors parlez-nous de cette expérience que vous avez faite avec le théâtre de Genet. Ben, ils ont l'un et l'autre un éloignement vis-à-vis du réalisme, évidemment aussi grand, mais à des points de vue différents, autant l'un est austère et dans la forme, n'est-ce pas, une espèce de puritanisme verbal, autant l'autre, Genet, a besoin et se sert d'une luxuriance verbale. Ce que j'aime le plus dans le théâtre de Genet, c'est son insolence. C'est une... jubilation, n'est-ce pas, c'est un mot qui ne peut servir qu'à lui, n'est-ce pas, jubilation de l'enfant puni qui se venge, jubilation du nègre révolté, mais plein d'humour. Et alors pour la mise en scène des paravents, là, le problème était autre. Pour les paravents, il y avait d'abord une mise au point de l'espace, enfin, qui était très diversifié. Et puis alors, il y avait une troupe énorme à diriger. Et en même temps, la pièce était aussi beaucoup plus agressive que Les Nègres. Alors, quelle expérience avez-vous retiré de tout cela? J'avais évidemment fait un travail préparatoire, en écrivant pas grand-chose. Contrairement à des confrères, je n'écris presque rien avant. J'ai tort, d'ailleurs, parce que... Mais enfin, c'est comme ça. Et certaines choses, je ne les vois qu'avec les comédiens. N'arrive à se préciser qu'avec les comédiens. Genet avait pris soin de me faire promettre que je ne gaucherais pas sa pièce. C'est-à-dire, comme c'était sur un sujet brûlant, il voulait garder à sa pièce l'ambiguïté, qui est le caractère principal de tout son théâtre, le jeu de miroir. Dans la pièce, il y a énormément d'indications de baisser de lumière, de noir et des choses comme ça. Et j'avais pensé qu'au contraire, n'est-ce pas, on pourrait chercher le plein feu le plus souvent possible. Bon, il avait accepté l'idée. Et après, il est apparu que je m'étais avancé un peu trop en promettant le plein feu partout. N'est-ce pas, parce que les entrées, les sorties et toutes ces choses-là... Le public, que je pense, n'est pas encore français, contrairement au public japonais, mettons, n'est pas habitué à considérer comme nul, comme inexistant, un acteur qui vient des coulisses et n'a pas encore pris sa vraie place. Il ne le considère pas comme inexistant. Donc, il fallait jouer les entrées aussi, ce qui ralentissait l'action beaucoup et différentes choses comme ça. Alors, ce sont ces choses-là, techniques, au point de vue-là, et au point de vue vocal aussi, il fallait arriver à une stylisation que certains acteurs ont obtenue, certains autres pas. N'est-ce pas ? Mais je ne peux pas faire de bilan de la chose, étant donné que Genet considère lui-même ses représentations comme une expérience, comme un semi-échec même. Moi, je peux pas dire... Le succès, pour moi, n'est pas un critérium non plus. Je m'aperçois, je me rends compte vraiment des défauts. Vraiment. Mais, enfin, je ne sais pas, ça a été des répétitions exaltantes, et pour les acteurs, et pour nous, et pour, dans une certaine mesure, pour Jeunet lui-même, n'est-ce pas, qui avait décidé de ne plus écrire jamais, de ne plus même s'intéresser à l'histoire. Et je pense que c'est par amitié pour les acteurs, pour moi-même, pour Barreau et Renaud, et aussi, enfin, il était tout de même très ému que cette pièce soit finalement jouée. Ouais, et peut-être ça l'a amusé énormément que ça soit joué dans un théâtre subventionné, national, évidemment, n'est-ce pas, toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Vous venez d'entendre un entretien de Roger Blin avec Jean Paget. C'était « Sept fauteuils d'avant-garde ». Assistante de production, Janine Antoine. Cette émission a été diffusée la première fois le 27 janvier 1967 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.